Aurore et Titon à la cour de Louis XV, conte rococo par Anna des Essarts. Chapitre 1er. Par un beau soir du mois de mai 1750, une lourde chaise de poste s'arrêta devant l'auberge du Dragon Blanc, barrière d'Allemagne, sans que personne n'ait jamais su de quel point elle était partie. Deux voyageurs, un vieillard et une jeune femme, descendirent de la voiture et demandèrent à l'hôtesse un appartement pour eux et pour leur suite, qui se composait d'un grand éduc, d'un gros coucher et d'une camériste alerte. L'hôtesse, ravie d'une si belle visite, s'empressa de conduire les voyageurs au premier étage de l'auberge et de leur offrir ses services. La jeune dame se jeta d'un air ennuyé dans l'unique bergère de la pièce où elle se trouvait, sans daigner répondre à Dame Simonette Daniel. Quant au vieillard, il commanda un souper fin, tout en arrangeant devant un miroir les bouts de sa cravate en désordre. La dame pouvait compter 16 ans. Sa taille était gracieuse et svelte, son visage d'un ovale parfait, ses traits d'une pureté divine. Ses cheveux blonds dorés tombaient en boucles fines sur son col de neige. Sa peau veloutée avait la transparence de l'aile d'un papillon. Ses yeux, surmontés d'un arc soyeux, ressemblaient à deux bluets épanouis, sa bouche à deux brins de corail. Son pied la soutenait à peine, sa main remarquable par la finesse et par la blancheur, l'était encore plus par le bout de ses doigts si amoureusement carminés qu'elle semblait les avoir trempés dans une poudre rose. Enfin, notre belle inconnue ne pouvait descendre que de l'Olympe, car le monde n'avait jamais donné le jour à une merveille semblable. Quant au petit vieillard, tout son extérieur offrait l'image parfaite d'un roué du temps de la Régence, mais d'un roué pour qui l'heure de la retraite avait sonné vainement. Une étincelle assez vive brillait encore dans la prunelle grise de son petit œil. Les coins de sa bouche fine se relevaient à la manière des faunes. Son nez était barbouillé de tabac d'Espagne, sa perruque poudrée à frimas exhalait une forte odeur d'ambre et d'iris. Sa petite taille légèrement voûtée se perdait dans un large habit de soie tourterelle. Un bas élégant emprisonnait sa jambe amaigrie, et des boutons en diamant retenaient sa culotte de satin lilas. Un mouchoir de fine batiste, un jabot de superbe maline, des souliers à talons, une profusion de bagues aux doigts et un feutre garni de plumes complétaient ce costume galant. On servit le souper pendant lequel les nobles inconnus parlèrent peu. Le vieillard fit grand honneur aux mets délicats. La jeune femme se prit à rêver. Lorsque les laquais se furent retirés et que les maîtres se trouvèrent complètement seuls, ils quittèrent la table. Le vieil époux s'arrangea commodément dans la bergère et sa jolie compagne s'assit auprès de lui sur un modeste pliant. Ce fut alors que la conversation commença. « Ma foi, dit le vieillard, je ne suis pas fâché de goûter un peu de la vie d'ici-bas. Depuis tantôt l'éternité que nous vivions dans l'Olympe, je commençais à m'ennuyer de glisser toujours sur les mêmes vapeurs, de m'endormir toujours dans mon palais de nuages. Moi, j'aime les choses terrestres. Aurore, n'avez-vous pas remarqué les jolis minois des Françaises? Cela repose un peu de la continuelle contemplation des visages de mesdames Junon, Vénus et Pallas. En vérité, les mortels valent mieux que les déesses. « Oui, répondit Aurore d'un ton légèrement piqué, pour vous dont le cœur blasé cherche toujours de nouvelles émotions. Mais c'est comme si l'on devait préférer le chardon à la fleur, la chrysalide au papillon. Jalousie de femme, répondit Titon en ricanant. Aurore fit une petite moue qui signifiait « Je ne suis pas du tout jalouse. » « Quel sujet aurais-je de l'être ?»« Bien que très vieux, répondit-elle enfin, vous avez l'humeur très volage. Votre désir a été de descendre pour quelque temps sur la terre et moi, en femme soumise, je vous ai suivi. Mais j'étais heureuse au fond de l'Olympe et j'ai peur maintenant de perdre ma douce tranquillité. Ah, pourquoi ne m'avez-vous pas laissé dans ma patrie éthérée ? Un rien me trouble, un rien me fait rêver. » Et je me sens déjà pâlir sous la mélancolie des jours. Aurore, vous êtes nostalgique, et vous guérirez de votre mal, trop tôt peut-être, car il faudra retourner bientôt dans nos domaines. On ne peut pas toujours se faire remplacer. Quant à moi, je prends le temps comme il vient, et je me trouve fort heureux. La seule chose qui me consolerait, reprit Aurore, ce serait l'espérance de me réhabiliter dans l'opinion des hommes, car j'ai toujours été bien calomnié. On me dit légère, frivole, inconstante. On vous dit malheureux et trompé, tandis que vous êtes au contraire le plus dissipé des dieux, et que je suis moi la plus vertueuse des déesses. Effectivement, quoi de plus pur qu'Aurore? La première, elle se lève pour aller ouvrir les portes du jour. La première, elle reçoit le baiser paternel du soleil en trempant ses doigts agiles dans une coupe de parfum. C'est elle qui distille la rosée sur les fleurs de la terre. « Allez, monsieur Titon, les mauvaises pensées ne naissent jamais du travail. Vous, au moment où je me lève, vous rentrez au logis, fatigué d'une veille prolongée, d'une nuit passée dans les bals et dans les concerts de l'Olympe. Et c'est alors que vous demandez à votre couche le repos et le sommeil. Voilà donc l'histoire véritable d'Aurore et de Titon. Vous êtes un hypocrite, moi, une femme méconnue. Mais la calomnie me lasse, et je veux enfin désabuser les hommes. « Gardez-vous-en bien, Aurore, » dit aussitôt Titon. « Vous savez que nous sommes ici incognito, et que nous paierons de la perte de nos fonctions célestes la plus légère indiscrétion. »« Il est vrai, » répondit Aurore en soupirant, « mais j'en mourrai de chagrin. » Oui, quand vous ne serez plus immortel. » Le son d'une voix harmonieuse vint heureusement interrompre la conversation des deux époux. Aurore pencha sa tête charmante et se mit à écouter avec attention. C'était un homme qui chantait une plaintive romance en s'accompagnant d'une mandoline. La voix avait cessé de vibrer qu'Aurore écoutait encore. Elle s'endormit en répétant intérieurement le refrain de la ballade. Elle en rêva, et quand le lendemain, au moment de monter en chaise de poste, elle aperçut à l'une des fenêtres de l'auberge, un jeune homme au visage noble et poétique, son cœur lui dit qu'elle voyait le beau chanteur de la veille. Chapitre 2e. Dans le quartier Saint-Louis, à Versailles, s'élevait un élégant hôtel qui jadis avait appartenu à Mademoiselle de Lavallière. Cet hôtel, Titon le loua pour lui et pour sa suite, et le fit meubler dans le dernier goût du jour. À cette époque fardée, musquée, pommadée, que l'on appelle le XVIIIe siècle, et qu'on pourrait représenter, portant d'une main un éventail, de l'autre une boîte à mouches, l'aéropage mythologique se glissait partout. Il régnait depuis le salon de cérémonie jusqu'au mystérieux boudoir. Des satyres d'ébène formaient les angles des meubles de boule. C'était sur les mains d'érable d'un faune accroupi et d'une nymphe agenouillée que l'on posait le marbre bleu d'un guéridon. Les bougies brûlaient dans des candélabres soutenus par des naïades de bronze, et l'amour, ce dieu qui d'ordinaire fait si bien oublier les heures, les rappelait alors en posant son petit doigt doré sur le cadre en émail des pendules. Enfin, regardait-on à droite ou à gauche, le sourire de Vénus répondait toujours à votre sourire. Voulait-on se parer, les grâces semblaient aussitôt vous offrir leur aide et leur conseil. Cherchait-on son épée, le 2 mars vous présentait la sienne. Demandait-on sa voiture, le char du soleil paraissait se détacher de la tapisserie pour venir s'arrêter devant vous. Il était donc impossible pour Titon et pour Aurore de choisir une époque qui s'accommoda plus avec leurs habitudes olympiennes. Aussi personne ne se douta jamais de leur céleste origine, personne ne devina que leur gros cocher, toujours ivre, était Silène, ce digne précepteur du dieu Bacchus, que leur grand éduc, au pied léger, était Mercure, le courrier de Cythère, et qu'enfin la suivante d'Aurore, cette suivante espiègle et maligne, qui portait le nom d'Iris, remplissait chez les dieux l'emploi de messagère. On s'amusa des goûts de Titon, de sa mythomanie. Déjà l'on avait des Iris, on eut des Mercure et des Silènes. Ils firent tous fureur. Et pour que le nom leur fût bien appliqué, les cochers devinrent encore plus buveurs, les éducs plus empressés que jamais à porter les billets doux. Titon s'intitula Monsieur le Marquis de Titon. Ce titre, qui parut tant soit peu fabuleux, servit d'excuse à ce qu'on appelait sa folie. Il prétendit que ce titre seul lui avait donné l'idée de transformer sa maison en un panthéon, de changer le premier nom de sa femme en celui d'Aurore, de faire d'un champagne un Silène, d'un comtois un Mercure, d'une Lisette une Iris. On trouva le stratagème ingénieux. Le nouveau marquis plut par son originalité, la nouvelle marquise enchanta par sa beauté divine. L'un fut encensé, adulé, l'autre adoré, et la foule se pressa dans leur hôtel. Comme Titon avait apporté des lingots d'or, qu'Alcyone était allé pêcher pour lui jusqu'au fond du pactole, il fit battre monnaie, devint un riche seigneur, et put mener grand train, tenir table ouverte, salle de bal et salle de jeu. Sans qu'ils aient jamais deviné ce que pouvait être leur noble commenceau, les lions les plus fameux de l'époque suivirent assidûment leurs fêtes. Les femmes y assistèrent en se réservant le droit de critiquer la maîtresse de la maison, les hommes en prenant celui de la célébrer dans leur madrigaux. Des envieux répondirent même par la ville des chansons et des épigrammes en vers. Tout ce bruit parvint enfin aux oreilles du roi Louis XV. Piqué par la curiosité, il désira connaître la merveilleuse Aurore et voulut qu'elle lui fût présentée. Il fut donc décidé que le duc de Richelieu servirait de parrain au vieux marquis et sa femme, la duchesse Diane, à la jeune marquise. Ce qui fit dire que Diane Chasseresse présenterait à la cour du dieu Mars l'Aurore aux doigts de rose. Mais chaque jour, Aurore devenait plus mélancolique. On la voyait errer pensive dans ses riches appartements. Ouvrait-elle un livre, ses yeux semblaient n'y chercher qu'un nom. Examinait-elle des portraits, c'était pour y trouver une ressemblance impossible. Aurore était possédée d'amour. Que lui faisait à elle tout ce luxe, toutes ces fêtes? Dans la foule, elle paraissait toujours inquiète. Le soir, quand elle recevait compagnie, elle ne vivait que dans l'espérance d'une visite adorée. Chaque fois qu'on annonçait un nouveau venu, elle écoutait avec attention pour savoir si c'était enfin celui dont elle désirait la présence. Puis, quand il arrivait, quand il s'approchait d'elle, Aurore pâlissait, rougissait, tremblait. Elle n'osait lui faire une réponse, tant elle craignait d'oublier sa demande. Elle n'osait lever les yeux, tant elle redoutait la magie de son regard. Enfin, la belle marquise était subjuguée. Elle aimait le beau vicomte de Limours. Mais quel était donc ce vicomte de Limours? Le mélancolique joueur de mandoline, le mystérieux chanteur dont la voix mélodieuse avait occupé les songes d'Aurore. Admirateur passionné de la marquise, depuis qu'il l'avait rencontrée dans le monde, Gaston de Limours la suivait partout, ne pensait plus qu'à elle, ne vivait plus que pour elle. Il ne s'était jamais avoué leur tendresse réciproque, mais il s'en était fait la confidence sans mots. Et le jour où Gaston osa tomber aux pieds d'Aurore, il ne lui dit pas « Je vous aime », mais il lui parla de leur amour. Chapitre 3e. Les fêtes du château de Versailles, les compliments de Louis XV et ceux de ses courtisans éblouirent un instant la pauvre Aurore, mais rien ne put lui faire oublier le vicomte de Limours. Quand on aime bien, c'est pour la vie. L'image de l'être adoré vous suit partout, vous console et vous renforce au milieu des séductions. Tandis que son vieil époux faisait le cid devant jeune homme et comptait fleurettes aux dames de la cour, Aurore était entraînée de plaisir en plaisir. Au bal, on se rangeait en cercle pour la voir danser, tant elle était légère et gracieuse. Au jeu, les seigneurs répétaient ses mots spirituels. Enfin, l'enivrement général eut jeté au cœur une gaieté passagère qu'il abandonnait au seuil de son logis. Mais Gaston souffrait de cette gaieté fugitive. Préférant ne pas assister au triomphe d'Aurore, il se retirait au fond d'une salle, s'appuyait nonchalamment contre une des colonnes de marbre, en se créant une solitude au sein de la foule bruyante. Il oubliait la musique, les danses, l'éclat des lustres, le parfum des fleurs, pour évoquer ses plus heureux souvenirs, pour s'endormir éveillé. Pauvre Gaston, pauvre Aurore, vous ne vous trouvez pas heureux de votre bonheur? Vous ne savez donc pas qu'il est encore des larmes plus amères que celles que vous versez? La sombre tristesse du vicomte, l'air distrait de la marquise, furent bientôt l'objet de l'attention générale. Un mot qu'ils se jetèrent en passant suffit pour les perdre. Dès lors, toute la cour sut l'amour de Gaston pour Aurore, et le marquis en eut l'éveil. Il ne dit rien à sa femme, et il devint taciturne, inquiet, soupçonneux. Il n'y avait plus d'autre ressource pour les amants que celle de la fuite. Un matin, Iris remit à Aurore le billet suivant. « Aurore, ils ont voulu flétrir votre angélique pureté. Ces âmes vulgaires ne savent pas que pour les âmes privilégiées, l'amour n'est pas couronné de roses, mais de lys, symbolique. Ils nous croient les plus heureux des êtres, nous qui en sommes les plus malheureux. Que devenir? Votre mari sait tout. Sa colère est comme suspendue au-dessus de votre tête et menace d'éclater à chaque instant. Fuyons, mon ange, éloignons-nous de ces lieux où le danger vous entoure. Demain soir, à 11 heures, une chaise de poste vous attendra dans le bois de Trianon. Je serai là. Ne vous refusez pas ma prière, sinon je n'ai plus qu'une espérance, la mort. La marquise avait la tête perdue. Elle accepta le rendez-vous, mais Aurore ne devait pas commettre cette faute, la première de sa vie. Le soir du rendez-vous, Gaston de Limours attendit vainement. La marquise ne vint pas. Tourmenté par ses tristes pressentiments, il courut à l'hôtel de Titon. Toutes les portes en étaient ouvertes, les salons déserts resplendissaient de lumière. C'était toujours la même élégance, toujours le même luxe, mais le silence régnait dans les appartements. Gaston éleva sa voix gémissante pour appeler Aurore. Aurore ne parut pas. Il chercha partout, il ne vit personne. Il pénétra dans la chambre à coucher de la marquise. Une lampe d'albâtre y jetait sa clarté vacillante, mais la pièce était vide. Plus de doute, Aurore était partie, partie pour toujours. Alors il regarda dans les consoles, dans les écrins, avec l'espoir d'y trouver le moindre mot d'adieu. Il ne trouva rien de doux pour lui, mais un léger rouleau de papier tomba sous sa main fiévreuse. Il le saisit avec ardeur. Il ne le lut pas, il le dévora des yeux. C'était le journal d'Aurore. C'était là qu'elle avait déposé le secret de son amour, celui de ses larmes, celui de sa divinité. Gaston de Limours n'hésita pas un seul instant à croire en la céleste origine d'Aurore. La marquise était d'une beauté si ravissante. Il comprit aussi que son vieil époux l'avait enlevée et reportée dans leur céleste patrie. Mais quand il parla de la divinité d'Aurore, on le taxa de folie. Se retirant du monde, il acheta tout meublé l'hôtel de l'ex-marquis de Titon. Rien n'y fut changé par lui. Les diamants d'Aurore restèrent toujours dans leur écrin, ses parures dans leur cassette de bois de citron. Gaston semblait toujours attendre la marquise. Le matin, il la croyait au bain, l'après-midi sur le mail de Versailles, le soir au bal de la cour. Et pour charmer son éternelle attente, il passait sa vie devant un portrait en pied d'Aurore qui la représentait radieuse sous les dentelles de son riche costume de cérémonie. Du reste, le vicomte ne s'était pas trompé. Le jaloux Titon avait profité du mystère de la nuit et du sommeil de sa femme pour l'emporter endormie dans l'Olympe. Quand Aurore ouvrit les yeux, elle se trouva dans son palais diaphane. Elle pleura, se lamenta, supplia, mais sa prière fut vaine. Elle ne put jamais retourner sur la terre. Maintenant, elle ne voit plus qu'avec nonchalance les portes du jour, et si la pluie frappe dès le matin votre œil attristé, c'est qu'Aurore pleure toujours son amant. Ainsi s'achève Aurore et Titon à la cour de Louis XV par Anna des Essarts.